Mac, j'suis dans la bouche de toutes ces folles. Y'a ce grosse comme Big Mac, j'suis un peu bourré, j'kiffe ses formes. Et ça y est, j't'aime plus, et j'vais pas te le dire 200 fois. J'suis sous votre carré de bulle, et voilà que j'vis bien sans toi. Bénéfice Max, bénéfice Max. Y'a ce grosse comme Big Mac, j'suis un peu bourré, j'kiffe ses formes. Bénéfice Max, bénéfice Max. Y'a ce grosse comme Big Mac, j'suis dans la bouche de toutes ces formes. Je vais l'accoster. Je lui place deux, trois phrases et on s'appelle ma beauté. Faites les fous quand vous êtes 25. Quand t'es tout seul, tu restes tout doux. L'âtre m'en fait 25-5. Je suis calibré pour ton reste tout cool. Je fais le tour de la terre. J'avais besoin de détente. Elle fait mal à la tête. Elle est trop embêtante. On est trop sur le béton. Ouais, on se craque le béton. Je fais le tour de la terre. J'avais besoin de détente. J'avais besoin de détente. Je suis dans la bouche de toutes ces formes.